Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Du croisement entre espèces différentes, métis ou hybrides. Répulsion des espèces différentes pour les rapprochements, Duvernois, Frédéric Cuvier. Grave argument contre Darwin, les mariages forcés, affolement des animaux, tout métis est stérile, mule exceptionnellement féconde, l'hybridité chez les anciens, Tityr et Musmon, disparition de leur race, l'hybridité de nos jours, les Léporides, leur origine, Monsieur Roux, Geoffroy Saint-Hilaire, une épreuve gastronomique, Monsieur Florent Prévost. Retour des hybridotypes parents. Je viens d'établir que, contrairement aux affirmations de Darwin, les espèces animales ont pour caractère constant la fixité de leur type. Ce qui assure et maintient cette fixité, c'est surtout que le rapprochement entre espèces différentes répugne aux animaux eux-mêmes. L'animal, disait Duvernois, a l'instinct de se rapprocher de son espèce et de s'éloigner des autres, comme il a celui de choisir ses aliments et d'éviter les poissons. Frédéric Cuvier disait également, sans artifice ou sans désordre dans les voies de la Providence, jamais l'existence des hybrides n'aurait été connue. Cette répulsion des espèces, dans le monde zoologique, joue donc un rôle à peu près analogue à celui que joue la gravitation dans le monde sidéral. Elle maintient la distance reproductive entre les animaux, comme celle-ci maintient la distance physique entre les astres. De ce premier fait, nous pouvons déjà déduire un argument très grave contre le système de Darwin. D'après ce système, les transformations qui se sont opérées dans les organismes, à travers les âges, ont été le résultat du croisement successivement répété entre animaux d'espèces différentes. Or, ces animaux étaient nécessairement en liberté. Comment donc admettre, je ne dis pas l'existence, mais seulement la possibilité de pareils croisements, puisqu'à l'état libre les animaux s'y refusent et même y répugnent? Faut-il supposer, ici encore, le bouleversement de toutes les lois qui réglementent les corps vivants? Mais Darwin s'inquiète peu des objections, il suit son idée, et invoque comme preuve certains produits, que l'homme obtient effectivement quelquefois à l'aide de mariages forcés entre animaux d'espèces différentes. Ce sont ces produits qu'on désigne généralement sous les noms de métis ou d'hybrides. Parlons de la manière dont on les obtient. On n'opère que sur des animaux qui, asservis déjà par la domesticité et l'esclavage, n'ont plus par conséquent la liberté d'expansion de leurs besoins naturels. Puis on profite du moment où l'instinct de la reproduction est arrivé chez eux à son maximum de paroxysme. L'animal affolé, dont on a eu soin d'éloigner tous les animaux de son espèce, ne trouvant plus à satisfaire normalement cet instinct, s'égare et transforme en époux de simples compagnons de captivité. Ce ne sont donc pas là de sa part d'étranges caprices, mais bien, de la part de l'homme, des surprises et presque des violences. Ceci est tellement vrai qu'on a vu, par exemple, le chien et le chat, oubliant pour un instant, leur haine séculaire, faire bon ménage dans le sens le plus intime du mot. On a cité de même un cas d'union féconde, dans une ménagerie, entre un tigre et une lionne, ces ennemis irréconciliables du désert. Qui sait? On en arrivera peut-être à faire mentir matériellement le précepte d'Horace, « Ne faites pas naître le serpent de l'oiseau, ni l'agneau du tigre. Note. On a bien annoncé l'exhibition phénoménale du produit incestueux d'une carpe et d'un lapin. Il est vrai qu'on ne vous montrait jamais que le père et la mère, prétextant toujours quelque excellent motif pour expliquer l'absence momentanée de l'enfant. Fin de la note. Quel que soit du reste le procédé employé, on ne saurait méconnaître qu'on ne puisse quelquefois obtenir un produit résultant de l'union entre animaux d'espèces différentes. Voilà donc enfin le rêve de Darwin réalisé. Oui, mais ce rêve n'aura, comme tous les rêves, qu'une durée éphémère, car le produit si péniblement obtenu ne saurait jamais faire souche de race. S'il est en effet un axiome en cours dans la science, c'est celui-ci, tout métis est stérile. Citons comme exemple et comme preuve le mulet. D'abord, c'est incontestablement le doyen des métis. Il était déjà connu des Hébreux avant l'époque du roi David, à ce titre, il a le pas sur tous les autres, puis, c'est celui qui, par sa multiplicité, a offert et offre actuellement encore le champ le plus vaste aux observations. Je dis donc que le mulet est stérile. S'il ne l'est pas toujours une première fois, sa fécondité est tellement restreinte qu'elle n'existe déjà plus pour la seconde génération, aussi a-t-elle été regardée de tout temps comme un véritable phénomène. Aristote cite un cas de mule féconde, à titre de prodige, et Pline en cite un également qu'il qualifie de monstruosité. Un fait analogue s'est produit, il y a quelques années, dans notre colonie d'Alger, et on s'explique parfaitement l'espèce d'épouvante qu'il jeta dans l'esprit superstitieux des Arabes. Ils crurent, dit Gratiolet dans un mémoire lu devant l'Académie des sciences, ils crurent à la fin du monde et, pour conjurer la colère céleste, ils se livrèrent à de longs jeûnes. Aujourd'hui encore, ils ne parlent de cet événement qu'avec une terreur religieuse. Ainsi donc la fécondité du mulet ou plutôt de la mule est chose tellement exceptionnelle, qu'elle n'infirme aucunement la règle que tout métis est stérile. Je ne dis pas qu'elle la confirme, car je n'ai jamais compris comment une exception peut confirmer une règle. Il me semble au contraire qu'elle l'infirme au point que, si elle se répète, elle la détruit. Note. Cette faculté de se reproduire, quelque rare qu'elle soit, n'existe que chez la mule. On ne connaît pas un seul fait établissant que le mulet possède de même quelque aptitude à la reproduction. Ces différences s'expliquent par certaines modifications d'organes que la science constate chez ce dernier animal, et dont la description ne serait pas ici à sa place. Fin de la note. Ces questions d'hybridité qui, dans ces derniers temps surtout, ont si vivement préoccupé nos éleveurs, avaient été l'objet de la part des anciens d'intéressantes recherches. Disons un mot des résultats auxquels ils étaient parvenus. Leurs essais portèrent principalement sur les croisements entre l'espèce ovine et l'espèce caprine. Les produits de ces croisements reçurent les noms de Tityre et de Musmon. Un poète du 7e siècle, Eugenius, Eugène III de Tolède, auteur d'une très curieuse pièce de vers de Animantibus ambigenis, des animaux hybrides, va nous renseigner sur leur filiation. On appelle Tityre celui qui a pour père une brebis et un bouc, et Musmon celui qui est né d'une chèvre et d'un mouton. Voilà donc bien réellement des métis, mais qu'on n'oublie pas que ces métis étaient de même issus de rapprochements forcés, ou, comme les appelait Buffon, de froides amours. Livrés à leur seul instinct, leur géniteur n'aurait rien produit. Ainsi, dans le midi de la France, les moutons et les chèvres sont à chaque instant mêlés ensemble, conduits au même pâturage, renfermé dans la même étable, et cependant on ne voit jamais apparaître parmi eux ni tir ni musmon. J'ignore si ces hybrides ont joui autrefois d'une bien grande vogue. Tout ce que je puis affirmer, c'est qu'il n'en existe plus aujourd'hui en Italie un seul représentant, personne même n'en parle, ne fût-ce qu'à titre de curiosité zoologique. Nouvelle preuve que ces races interlopes ne sauraient obtenir leur grande lettre de naturalisation dans la famille des espèces où elles se sont introduites par des pratiques frauduleuses. J'arrive maintenant à une classe d'hybrides dont on s'occupe beaucoup aujourd'hui en France, ce sont les léporides. Léporides, on a donné le nom de léporide, de lépus, léporis, lièvre, au produit du croisement du lièvre et du lapin. Leur existence fut tout d'abord annoncée comme un fait absolument nouveau, or cette prétendue nouveauté n'était autre qu'une vieille histoire remontant à quelque chose comme 100 ans. Voici en effet ce qui se passait en 1774, dans une petite métairie, près du bourg de Marot, située entre Nice et Gênes. Une genase, élevée avec un lapereau de son âge par l'abbé Domenico Cagliari, s'accoutuma si bien à son compagnon, qu'elle en eut deux fils qui semblèrent s'être partagé les caractères extérieurs du père et de la mère. Ainsi prit naissance une famille hybride. Examinée en 1780 par un naturaliste de talent, l'abbé Carlo Amorelti, cette famille montra une grande variété de teintes et de mœurs. On y voyait des individus blancs, d'autres noirs, d'autres tachetés, certaines femelles, pour mettre bas, creusaient des terriers à la manière des lapins, les autres laissaient leurs petits à la surface du sol, comme font les lièvres. De là des relations délicates, parfois même des conflits, puis l'incompatibilité des caractères amena la brouille dans les ménages, et toute la petite colonie finit par se dissoudre, sans qu'on ait jamais su au juste comment s'étaient éteints ces derniers rejetons. Le côté historique de la question ainsi élucidé, arrivons à nos modernes léporides et voyons s'ils seront plus heureux que leurs aînés. Les premières communications qui s'y rapportent furent faites en 1859 par M. Roux, alors président de la Société d'agriculture d'Angoulême, que ses propres expériences sur le croisement du lièvre et du lapin avaient conduit à créer une race toute nouvelle. Ces léporides avaient 3/8 de sang de lapin et 5/8 de sang de lièvre, proportion, paraît-il, la plus favorable au maintien de l'espèce. D'après les détails qu'il donna sur place, ils acquéraient un poids plus considérable que celui de leurs ancêtres, lièvre ou lapin, offraient une chair qui, quoique blanche comme celle de ces derniers, était bien plus agréable au goût, puis enfin présentait une fourrure supérieure à celle des plus beaux lièvres. L'avenir de cette industrie paraissait donc assuré, et M. Roux s'en portait garant. Malheureusement, toute médaille a son revers, même ses loups brillent les figides et les porides. Ainsi, dès 1860, par conséquent un an seulement après les pompeuses déclarations de M. Roux, M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire déclarait, en plein institut, que ces hybrides retournent assez promptement au type lapin, si, par de nouveaux accouplements avec le lièvre, on en renouvelle la race. On sut ensuite que la mortalité faisait dans leur rang d'affreux ravages, on apprit également que leur pelage si vanté n'était qu'une hideuse toison. Enfin, la Société d'acclimatation de Paris, ayant examiné avec soin des élèves les mieux réussis de M. Roux, et décidé que, comme complément d'étude, elle le mangerait dans un repas de corps, Il fut reconnu à l'unanimité qu'il ne différait en rien des lapins domestiques, qui, dès leur tendre enfance, élevés dans Paris sentent encore le chou dont ils furent nourris. La confiance dans les Léporites se trouva donc fortement ébranlée. Il était réservé à Monsieur Florent Prévost, aide-naturaliste du muséum, et savant aussi distingué que chasseur émérite, de détruire jusqu'aux dernières illusions à leur endroit. Voici, en effet, comment il s'exprimait, le 11 mars 1868, devant la Société d'agriculture de Paris. J'ai quitté la séance de bonne heure pour aller, dans plusieurs marchés et chez quelques personnes, examiner tous les lapins morts ou vivants que j'ai pu rencontrer, afin de les comparer aux Léporites qui occupaient la société. Quand j'en suis sorti, un sujet hors ligne. Or, sur le grand nombre d'individus que j'ai observés, 8 ou 10 avaient absolument les mêmes caractères que lui, et cependant ce n'étaient que des lapins domestiques. On comprend l'effet que dut produire sur l'assistance cette terrible révélation, qui venait compléter si à point les preuves gastronomiques. Ainsi donc, la grande théorie de Darwin sur la permutation des espèces reçut encore ici ce qu'on pourrait appeler le coup du lapin. Nouvel exemple à joindre à tant d'autres, que les espèces semblables possèdent seules la fécondité continue. Quant aux produits obtenus par le rapprochement forcé d'espèces différentes, ils ne tardent pas à revenir par une loi constante et fatale, dite atavisme, ou loi du retour, au type parent. Arrêtons-nous un instant sur ce dernier phénomène. Il est on ne peut plus digne de fixer l'attention en ce qu'il explique à lui seul pourquoi il est impossible d'obtenir une véritable race hybride, c'est-à-dire une suite de générations reproduisant d'une manière plus ou moins complète les caractères mixtes empruntés à deux espèces différentes. Atavisme ou loi du retour. L'atavisme est une loi générale. Aucun métis n'y échappe, toute modification de structure revient au type originel, l'espèce seule est immuable. Le mot atavisme, nous venons de le dire, désigne la loi par laquelle tout animal hybride revient, à un moment donné, à l'une ou l'autre des deux espèces dont il est originaire. Cette loi ne comporte pas d'exception. Aussi l'application que nous en avons faite aux Léporites s'étend également à tous les autres métis, tels que, par exemple, ceux qui descendent du chien et du loup. De même que les premiers redeviennent lapin ou lièvre, de même les seconds redeviennent chien ou loup. Jamais le produit intermédiaire que Darwin appelle transitoire ne fait souche de race. Ce dédoublement de l'individu prouve qu'il y avait simplement chez lui juxtaposition et non fusion des deux sangs. Ce qui le prouve mieux encore, c'est que tout métis, rentré ainsi dans la grande famille dont il était momentanément sorti, ne conserve aucun stigmate de sa migration à travers une espèce étrangère. Ses fils et arrière-petits-fils ou neveux doivent donc être considérés comme des purs sangs. D'où il résulte qu'aujourd'hui un bouc ou un bélier d'Italie, pris au hasard, est bien réellement un vrai bouc et un vrai bélier, alors même qu'il compterait parmi ses ancêtres quelqu'un des tityres ou des musements chantés par Eugenius. Ce n'est pas tout encore. La nature pousse si loin la vigilance, je pourrais dire les scrupules à l'endroit de la pureté de ces types, qu'elle corrige et rectifie jusqu'aux moindres écarts apportés par l'homme à la structure primordiale des animaux de même espèce. Ainsi, tout le monde sait que nos éleveurs parviennent à obtenir des bœufs sans cornes, et des lapins aux oreilles gigantesques, dont la descendance constitue des races. Ce sont là sans doute de très insignifiantes anomalies. Eh bien, cessez de maintenir ces races par de nouveaux croisements, ou rendez ces animaux à la vie sauvage, le bœuf ne tardera pas à voir ses cornes repoussées, et le lapin à reprendre ses oreilles réglementaires. Vous citerai-je d'autres exemples encore empruntés, non plus seulement à quelques variétés individuelles, mais à des espèces animales tout entières? Nos chevaux, redevenus libres en Amérique, y ont repris leur taille, qui est la moyenne, leur couleur uniforme, qui est le bai châtain, et leur instinct, qui est de vivre en troupe, conduit par un chef. Nos chiens y ont perdu l'aboiement qu'ils avaient acquis par leur fréquentation avec l'homme. Enfin, le cochon de nos fermes y a repris les oreilles droites du sanglier, et ses petits, la livrée du marcassin. Note. Le chien n'aboie pas naturellement, la faculté d'aboyer lui vient d'entendre la voix de l'homme et d'y répondre à sa manière. Cette faculté, il la perd ou la recouvre suivant qu'il retourne à l'état sauvage ou revient à la domesticité. Ainsi, vers l'an 1710, les Espagnols lâchèrent un certain nombre de chiens dans l'île de Juan Fernandez, dans l'espoir de détruire les chèvres sauvages servant au ravitaillement des corsaires qui venaient, dans le Pacifique, guetter leurs galions et ravager leurs colonies. Leur but fut parfaitement atteint, en ce sens que les chiens eurent bientôt dévoré toutes les chèvres, mais, dès 1743, Ulloa constata qu'ils avaient entièrement perdu l'aboiement. Quelques-uns ramenés en Europe et réunis à des chiens domestiques cherchèrent à les imiter, seulement ils s'y prenaient si maladroitement, dit l'auteur, qu'il s'écoula un temps assez long avant qu'ils eussent recouvré la voix de leurs ancêtres. Fin de la note. C'est que, si nous possédons l'art de faire les races, la nature se réserve toujours le moyen de les défaire, moyen dont elle use constamment. D'où cette conclusion à laquelle il nous faut toujours revenir, les espèces seules sont immuables, car elles ont une origine plus élevée, la même main, celle du Créateur, qui les a marquées de son sceau, assurant à travers les âges leur maintien intégral. Les plantes régies par les mêmes lois que les animaux. Transformisme appliqué aux plantes, jamais de mélange à l'état sauvage, expérience sur les espèces cultivées, végétaux hybrides, ils obéissent à la loi du retour, les hypogées d'Égypte peints trouvés dans les tombeaux, piquante anecdote sur les glumes, le baobab du Cap-Vert, autres arbres gigantesques, graines trouvées dans le diluvium, leurs vertus germinatives, tout le règne végétal proteste contre le transformisme. Darwin, dominé toujours par ses idées de transformation des espèces, a cru avoir trouvé la sanction de son système dans la comparaison de ce qui a lieu dans le règne végétal et dans le règne animal. Pour lui, la plante, aussi bien que l'animal, passe d'une espèce à une autre espèce avant d'atteindre son degré de fixité organique. Il a même publié sur cette prétendue analogie tout un gros volume intitulé « De la variation des animaux et des plantes », dont j'extrais les propositions que voici. Il n'est guère possible d'admettre que, pendant les changements nombreux que notre planète a éprouvés, et sous l'influence des migrations naturelles des plantes d'une terre ou d'une île à une autre, habitées par des espèces différentes, ces plantes n'aient pas subi des modifications dans leurs conditions d'existence. On peut même dire que la nature, sous ce rapport, s'est livrée, dans le cours infini des temps, à des expériences gigantesques. Ainsi s'explique comment les espèces ont varié considérablement, et comment ces variations, devenant héréditaires, On crée, en botanique, les genres et les familles. Ces allégations de Darwin sur le règne végétal ne sont pas plus fondées que ces mêmes allégations sur le règne animal. Aussi peut-on les regarder comme une seconde édition des mêmes erreurs. Les ayant déjà réfutées, ma réponse sera nécessairement très courte, puisqu'elle comporterait les mêmes arguments. Parlons d'abord des espèces végétales à l'état sauvage. On ne voit pas bien tout d'abord comment, dans ces conditions, le mélange des races peut s'opérer spontanément, puisque la plante est fixée au sol et que ses étamines ainsi que ses pistils sont soudés à demeure et protégés par une double enveloppe, le calice et la corolle. Oui, mais le vent secoue les anthères ouvertes, se charge du pollen qui s'en détache et vient le déposer sur des stigmates auxquels il n'était pas destiné, les insectes, surtout ceux qui vivent de butin, pénètrent jusqu'au fond de la fleur, se couvrent de poussière fécondante et deviennent également de puissants agents de transmission. Ainsi s'explique comment la fécondation entre races s'opère à distance. Je souligne le mot « race », c'est que jamais elle ne s'opère entre espèces, la science n'en possède pas un seul exemple. Il en est donc de la plante à l'état sauvage comme de l'animal en liberté, du moment où l'homme n'intervient pas, il ne saurait se former d'union entre végétaux d'espèces différentes. Mais la culture est aux plantes ce que la domestication est aux animaux. Qu'adviendra-t-il donc, si on expérimente sur une espèce cultivée? Ici encore la fécondation sera excessivement rare et, pour l'obtenir, il faudra, comme pour les animaux, avoir recours à de certaines pratiques. Il y a, par exemple, la greffe et l'écussonnage, mais parlons seulement de la fécondation artificielle. On commence par isoler complètement la fleur qui doit jouer le rôle de mère, et on enlève avec grand soin toutes ses étamines, avant que le pollen se soit développé. On dépose ensuite sur le pistil avec un petit pinceau le pollen emprunté au père, puis on maintient l'isolement jusqu'à ce que la réussite de l'opération paraisse hors de doute. Et cependant, en dépit de toutes ces précautions, on échoue le plus souvent, tant il est vrai que l'hybridation, chez la plante comme chez l'animal, est absolument contraire aux lois fixées par le Créateur pour la propagation des espèces. Mais, enfin, voici un végétal hybride obtenu, n'importe par quel procédé. Que va-t-il devenir? Il obéira, comme l'animal hybride, à la loi du retour, sa graine sera inféconde ou, si elle ne l'est pas tout à fait, elle ne reproduira pas indéfiniment le type mixte de la plante dont elle émane. Ainsi, dès la première génération, un certain nombre d'individus, issus de cette graine, offriront déjà tous les caractères de l'une ou l'autre des deux espèces primitivement croisées. Et le phénomène se répétera de telle sorte qu'au bout de 3 ou 4 générations toute trace de croisement aura disparu. Voilà des faits positifs, certains, qu'accepte tout botaniste au courant de la science, ce qui n'empêche pas Darwin de poursuivre imperturbablement son idée, et d'affirmer tout le contraire. Mais continuons notre parallèle entre les plantes et les animaux, et consultons, comme nous l'avons fait pour ces derniers, les hypogées d'Égypte. On y a trouvé une foule de végétaux de la même classe que ceux qui croissent dans le voisinage, et on s'est assuré, en les comparant avec ces derniers, qu'aucune des espèces actuellement vivantes n'a changé depuis l'époque des premiers pharaons. Monsieur de Quatrefages rapporte même la piquante anecdote que voici. Le voyageur Hennequin avait rapporté de la Haute-Égypte des pins trouvés dans des tombeaux, datant des époques les plus reculées. Ces pains furent remis au célèbre botaniste Robert Brown, qui retira de leur pâte des glumes d'orge parfaitement intactes. On appelle glume, ou balle, l'enveloppe extérieure de la fleur des graminées. En les étudiant avec soin, il reconnut, à la base de ces glumes, un rudiment d'organes qu'on n'avait pas indiqué dans les orges de nos campagnes. Et peut-être crut-il un moment avoir sous les yeux une preuve de variation de la plante dans ses enveloppes, mais un nouvel examen lui fit retrouver dans nos orges ce même organe rudimentaire. Ainsi donc, ajoute Monsieur de Quatrefages, l'étude attentive de ce débris d'une plante broyée depuis 5 ou 6 000 ans a révélé l'existence d'un caractère assez peu saillant pour avoir échappé à la loupe d'une foule de botanistes, et qui n'en a pas moins traversé sans altération cette longue suite de siècles. Mais, au lieu d'une plante broyée ainsi depuis 5 ou 6 000 ans, parlons de végétaux intacts, ayant quelque chose comme cet âge, et se portant au contraire à merveille. La preuve, plus facile à vérifier, paraîtra sans doute plus concluante. Adançons à mesurer au cap vers un baobab dont le tronc avait 22 mètres de circonférence, en le comparant à des individus plus jeunes, dont il avait pu connaître l'âge, il estima que ce géant devait avoir vécu plus de 5 000 ans. Golbery a observé un autre représentant de la même espèce plus monstrueux encore. Celui-ci atteignait 34 mètres de pourtour. Il devait par conséquent être, selon toute apparence, plus âgé que le précédent. Enfin, l'espèce de pin colossal, récemment découverte en Californie, le gigantesque séquoia, s'élève parfois à une hauteur de 100 mètres, et présente, dit-on, une épaisseur de 10. On a compté les couches concentriques d'un de ces immenses troncs, on en a trouvé près de 6 000. Cet arbre datait donc du commencement du monde. Note. On sait que l'âge des arbres dicotylédonés se reconnaît au nombre de couches concentriques dont se compose leur tronc. Même parmi nos arbres européens, il en est qui daterait ainsi d'une époque très reculée. On a compté 280 de ces couches sur un ivre dont la circonférence était seulement de 1,50 m. Un autre ivre, celui de Faulebec, dans l'Eure, avait, en 1822, 6,80 m de pourtour. Enfin, l'ivre de Fortingall, en Écosse, atteint près de 10 mètres de circonférence. Deslongchamps en tire la conséquence que, si les conditions de développement ont été les mêmes pour ces différents arbres, l'ivre de Faulebec est âgé de 11 à 1200 ans, et celui de Fortingall de plus de 3000. Fin de la note. Eh bien, tous ces vétérans de la flore contemporaine ressemblent, aux dimensions près, aux plus jeunes arbres de même espèce qui les entourent, et qui sont séparés d'eux par des milliers de générations. Remontons, si vous le voulez, plus loin encore. Passons au déluge. Certaines graines ont échappé, je pourrais dire ont survécu au naufrage universel. Ainsi M. Michalet rapporte qu'aux environs de Dôle, en remuant les sables du diluvium, on en a découvert qui dataient d'un nombre de siècles indéfinis, en tout cas bien antérieur au temps qui nous sépare de la civilisation égyptienne, même à son aurore. Ces graines avaient conservé leurs vertus germinatives. Semées sur un terrain convenable, elles ont produit des individus ayant absolument les mêmes caractères botaniques que ceux qui pullulaient aux environs. La plante reparut de la sorte est le Gallium anglicum. Ainsi le règne végétal proteste, avec non moins d'ensemble et d'autorité que le règne animal, contre la prétendue loi de transformation des espèces. La comparaison que Darwin avait voulu établir entre ces deux règnes, à l'appui de sa doctrine, en démontre au contraire, une fois de plus, la fausseté. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNFFR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.